Audiomatic. La transmission 193 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet Mexicans with Guns et sa pièce Sapo, qui se retrouve sur la compilation Cumbia Amazonica, produite par l'étiquette de disque Hawaii Banzai Records. Les électronistes aiment la musique et c'est pourquoi nous lui laissons toute la place. What a dream this night, a thousand times. We'll be right back.

visor que el alma me come y le subo el volumen a mi radio Foyome. Audiomatique, nous venons d'entendre le projet Electrica de Lima et sa pièce Radio Ofoyome qu'on retrouve sur son album Todo No Es Pura Materia, sorti en 2003. Avant Electrica de Lima, c'était la formation montréalaise Beast de qui nous écoutions la composition Out of Control qui se trouve sur son unique album homonyme paru en 2008. Et avant Beast et au tout début de cette séquence de trois pièces, c'était la formation Stromkern et Night Riders, pièces tirées de l'album Armageddon. Sans attendre davantage, entamons la prochaine séquence musicale dans une perspective Deep House expérimentale avec l'artiste Juan Salvador. À Audiomatic, cette séquence de deux pièces prenait fin sur la composition de Lift du projet L'Usine. Vous pouvez avoir cette pièce sur l'album Sensory Motor, qui est le plus récent de L'Usine. Et avant, nous écoutions les deux pièces combinées Inter Cueva et Buenos Aires de l'artiste Juan Salvador. Celles-ci paraissent sur son tout nouvel album Ultimos Cuts, qui est disponible via l'étiquette numérique Loiten. À Audiomatic, nous écoutons maintenant la pièce Beneath the Heat, issue de la collaboration entre Kid Koala et Emiliana Torini. Thank you. Le projet canadien Golden Grey concluait cette séquence de trois pièces grâce à Reddish Yellow, une composition tirée de son tout nouvel album Colors. Avant Golden Grey, c'était le projet péruvien El Lazo Invisible et sa pièce Sin Aliente qu'on retrouve sur son album Mapas Discretos paru en 2003. Et nous amorcions la séquence sur la musique de Kid Koala et la pièce Beneath the Heat, sur laquelle on peut entendre la voix de la chanteuse islandaise Emiliana Torini. Cette pièce est tirée de l'album Music to Draw to Satellite. La transmission 193 d'Audiomatic prendra fin ce soir sur une pièce du groupe ontarien Pepper Moth, à savoir Bee Path, qui se retrouve sur leur tout nouvel album intitulé Glimmer Tide. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct une autre transmission d'Audiomatic, à savoir la transmission 194. Sachez qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici maintenant Pepper Moth et la composition Bee Path. C'était Audiomatic avec les électronistes.